j'aurai affaire à des chiprénés. Ce que je fais du bruit expulsé des cris, je vais m'entraîner au fusil. Ils comprennent pas, alors j'articule. La vie est une chance, la thune en l'absence. Croire au hasard t'y coule, t'y coule bazar au parlement pour garder le cap. Et par les mentes, je te l'ai dit, m'en parle même app. J'aimerais partir là où l'homme ne va pas, faire peau ne va pas, avec en poche le loyer 39 à part. Avoir tortu, nos rap c'est des tortures, t'es comme mortu, devine pas nos phases, amorce ta sortie. Sur nos repères, c'est portier, poisse ton oreille dans la portière. L'humeur à l'écorce des orties, décortique ma force. T'es un modèle de vertu, c'est comme dire Moselle, décor type de la Corse. Décor type et atroce dans des bains de sang, ça fait kiffer Marie. J'ai partagé le pain sans sniffer la farine, protéger les miens sans leur griffer la narine. J'ai pas touché l'ego, viens on s'en va, gifler la sale rime. Moi j'avance avec un radar de recul, j'encaisse les patates d'Hercule. Les divers ne font pas reculer l'heure. Faut que je pardonne, je vous le dis sincèrement. Depuis le départ, c'est par là que s'insère mon serment. On m'a dit, faut pardonner pour ne pas reculer. Ok, je vous pardonne, mais allez quand même vous faire enculer. Sincèrement.